par rapport aux blagues ou aux remarques qui peuvent être pesantes sur le fait, enfin voilà, sur l'alimentation, que on prend à cœur vraiment le fait de certains produits résultent de l'exploitation animale. Donc c'est pas forcément drôle d'entendre quelqu'un qui se marre à dire: ah, le cake là, il y a du beurre dedans, donc tu ne peux pas en manger puisque tu es vegan. Ça fait, on le ressent assez souvent, et enfin c'est assez drôle, ces comportements en fait qu'il faudrait voir dépasser. Voilà, c'est à peu près ça dans l'idée. Parce que les convictions au départ sont assez fortes, et voilà, tournées vers eux. C'est vrai que ça peut être risible, la notion de droit des animaux et de protection des animaux, de libération animale, mais qu'on s'entende bien, c'est vraiment, voilà, c'est si faudrait mettre des fenêtres en fait aux abattoirs ou dans les laboratoires de vivisection pour vraiment comprendre que c'est pas drôle ce que subissent les animaux et que les gens peuvent être vraiment affectés de ça, et voilà, d'où la remise en question l'évolution d'éthique. De l'évolution, enfin l'évolution dans son comportement de consommation. So, maybe people can find such things funny, but it's only because they can't actually see what's really happening. And the only way would be if there was big windows on the abattoirs so that people could actually see what was happening inside and see the gross, horrible suffering that is actually happening. Then they might understand that it's not really funny. I don't know. That's a good translation. Mm. And there was an emission prepared about veggie-phobia, but I don't think we have the time to play it now. So we maybe another time. We just try to make a resume on live. Well, it will be put online, so you can listen to it on the that website, mm-hmm. in the zatnadie.org. Voilà. Pour continuer là-dessus, en fait, on ne peut pas dire que sur la ZAD, enfin, par rapport aux squatteurs squatteuses, on subit pas une VG-phobie extrême, évidemment, quoi. C'est bon, parce qu'en dehors de la ZAD, dans le reste du monde, c'est quand même une VG-phobie assez forte, quoi, qui peut aller jusqu'à la tentative de meurtre, etc. Enfin, ça va très loin, quoi. Ok, entendu. So on the ZAD, we have to admit that, well, there is some vigiphobia, but it's not as bad as it is in the outside world. Like in the outside world, the repression against vegan can be really strong, and sometimes people are threatened with murder. Mais bon, c'est vrai que, enfin là, on voulait terminer sur le fait que, par exemple, sur la ZAD, avant les expulsions, malgré qu'il n'y avait pas une majorité de gens vegan, il y avait une espèce de... Je sais pas comment dire... Enfin bref, tous les repas collectifs, en fait, lors d'AG, de concerts, etc., étaient systématiquement vegan et à base de récup, aussi, si on pouvait. So, to come back now, what is happening under that? Before the evictions, veganism was kind of accepted, or at least there was not many vegans, but at least all the communal meals they were vegan, and they all coming from the skip, but all the communal meals were vegan. Yeah, and que là depuis les expulsions, bah ça a bien changé, quoi. Ce qui fait que toutes les premières semaines, ça pendant au moins un mois, quoi, les vegans étaient quand même exclus des repas, des cuisines, et y a eu pas mal de problèmes pour les personnes à pouvoir s'alimenter correctement. Du coup, okay. Ils ont eu des carences alimentaires, par exemple. Enfin, ça a eu des conséquences assez fortes quand même sur leur vie et leur santé, quoi. And so since the evictions and since a lot of more people have come, things have changed quite a bit, and in fact sometimes vegans have come to the kitchen and have been unable to find something to eat, and on the level of being able to properly have a proper alimentation, wait, shit, that's not an English word. But to have a proper nutrition, it's been a lot more difficult, and the collective feeling is probably less thinking of people who might be vegan, and just because there's so many people who probably have never encountered this kind of thing before. For instance, like if you go to a place and then you see a whole pig on the table, I just don't feel like eating there anymore. And also if like the meals are cooked with the same dishes or the same pots, then I also don't really feel like eating in such a place. And alors si on va tout un porc sur une table dans la cuisine, ça j'ai plus envie d'y manger en fait, parce que ça me rappelle trop la souffrance de cet animal et ça j'ai juste plus envie de manger. Et aussi si on utilise les mêmes casseroles pour cuisiner, c'est ouais ça aussi. Pour cuisiner les viandes et après cuisiner les légumes, il dit c'est vegan, mais c'est oui, tu pas trop envie quand tu connais que toute cette chose est utilisée pour les viandes aussi. En fait, enfin, au-delà de ces aspects justement de démocratie, on va dire, de respecter les gens qui sont véganes et qui ont ces convictions, enfin, je pense qu'il y a un gros enjeu aussi je pense qu'il amène forcément à des notions conflictuelles, quoi. C'est que, on est en 2012 et que je pense qu'il est temps de, je pense que ça peut être assez intéressant de pouvoir intégrer en fait le véganisme comme question plus générale, quoi. Après, je sais bien que ça quelque chose qui est pas intégré dans les mentalités compagniques, c'est un truc de longue haleine, mais comme pour d'autres sujets, je pense dans une progressiste, c'est un point qui mériterait d'être pleinement entendu, on va dire ça comme ça. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt démocratique de faire de la bouffe pour la majorité dominante, du coup. C'est un peu normal qu'il n'y ait pas de bouffe végane, quoi. Oui, ça c'est démocratie. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est mieux pour la majorité? Non, mais ouais, mais démocratique, je pense, c'est aussi dans le sens où, faut que je parle en anglais après, mais c'est démocratie dans le sens où c'est aussi se préoccuper de tout le monde, en fait. C'est pas juste se préoccuper de la majorité. So I was saying that. About the veganism in the ZAD, but also in other social fights, it's an important question, even if it's not really accepted or integrated into the minds. But actually, in 2012, we must think about that and take action, because. Parce qu'aussi, ici, on est dans un espace où on lutte contre un aéroport, et il y a pas mal de nous qui luttent contre l'aéroport pour des raisons climatiques, contre le changement climatique, en fait. Et il faut savoir que l'alimentation, si on mange de la viande, c'est très, très, très mauvais pour le climat aussi. Et c'est pas juste la souffrance de l'animal, mais ça a aussi des recours sur beaucoup d'autres sphères. So, here we're fighting against an airport, and some of us fight against it because of reasons of climate change. And just to add something, like if you eat meat, it's also really bad for the climate, because if you eat meat, it's much more carbon intensive than if you would just eat plants. Moi je crois que ça pose aussi justement la question de pourquoi on se bat en fin de compte. Et je crois que une bonne partie des gens qui sont ici sur la ZAD là se battent pas juste contre un aéroport et pas juste contre le climat, mais contre beaucoup de choses et contre tout un monde qui nous opprime, en fait. Mais c'est tout la même question, en fait. Et je crois que la question de l'oppression des animaux, elle fait partie des choses contre lesquelles c'est important de se battre ici. Et que c'est quelque chose qui est quasiment pas présent ici, en fait. Et je crois qu'en fait, si on se bat contre l'État et contre le capital et qu'on reproduit des oppressions dans notre camp. Mmh. Je pense au spécisme, mais aussi au sexisme là qui est juste à gerber ces derniers temps ici particulièrement. Je crois qu'on ne vaut pas forcément mieux que les gens contre qui on se bat. So I think it's important to think about what we are fighting against, because most of us on the side are not just fighting against Singapore, but also against a society that creates oppression, and the animal oppression is part of it. And I don't think we can fight against the state and the capital, and don't if we do nothing about specism, but also sexism and all these things, because it's the same fight, c'est le même combat. Et en fait, c'est aussi, je pense, ce qu'on doit amener, et c'est un truc qui doit se construire. C'est pas un truc évident. C'est le fait en fait d'avoir une perspective globale qui dépasse aussi le lutter contre. En fait, c'est aussi un truc positif. Et dans cette perspective positive, en fait, je pense que clairement, c'est intégrer aussi la question de la nature en tant que telle. Pas juste comme un parc dans lequel on va se promener le dimanche parce que c'est joli. Et c'est aussi intégrer les animaux en tant que tels et pas juste c'est peut-être idiot à dire, mais pas juste comme des objets animés de décoration ou comme des peluches. Des peluches qu'on est content de faire des câlins, mais après comme des objets au final quoi. Et bien sûr après c'est aussi. Et c'est même pas après, c'est aussi. Lutter aussi pour une égalité entre tous les êtres humains, qu'on soit blanc, qu'on soit gros, qu'on soit petit, qu'on soit meuf, voilà, etc. quoi. We must take a positive perspective about in this fight and other fights to integrate the question of the nature by itself, the animals by themselves too, and social equality, and not just nature is like that. To understand that nature is not just a park which we go to walk on a Sunday and enjoy it and take this enjoyment for ourselves, and that animals are not just like soft toys which we cuddle and which we don't really care about, well, to view them like objects, in fact. And also, I think another thing is that many of us can feel, we can say, oh, well, we eat cheese and milk and so on, but we never buy this ourselves, we always get it from the skip or whatever. But right now we're making wish lists which ask for cheese and for milk and for other animal products, and we have to understand, we cannot deceive ourselves. We have to understand that when we go to the kitchen and when we take milk or cheese that has been bought by somebody else, it's also contributing to the exploitation of animals. Et ouais, du coup, y a beaucoup de gens qui disent « Oui, d'accord, je mange de la viande, je mange des œufs, du lait et des produits animaux, mais ça vient de la récup. » J'ai jamais acheté. J'ai jamais acheté. Et du coup, oui, c'est pas des trucs qui sont achetés, mais du coup, en ce moment, sur la ZAD, on fait des demandes là, par Internet ou sur les lieux pour avoir de la nourriture. On demande des produits animaux comme du fromage, comme des œufs. Et il faut avoir conscience que quand on va dans la cuisine collective et qu'on prend du fromage, qu'on prend des œufs, c'est des choses qui ont été achetées et c'est des choses qui contribuent à l'exploitation animale. C'est pour pas descendre dans les déceptions des Moi je dirais qu'il y a encore beaucoup de choses à dire et que en fait on s'était fixé 2 heures d'émission quoi, histoire de pas griller complètement le cerveau de tout le monde. Alors je sais pas s'il y en a qui veulent faire un petit mot de la fin. Sinon en fait on peut vous dire à tout de suite, à tout à l'heure. proprement dire que dans la semaine, il y aura des textes de lus qui ont attrait au véganisme, à la libération animale, dans d'autres contextes. Quoi. Voilà. Et qu'on peut trouver beaucoup d'émissions aussi sur le site de la ZAD. ZAD.nadir.org. Et donc cette émission sera mise en podcast dès que possible. Juste pour rappeler, ouais, ça va être Noël et malheureusement voilà, les tables elles vont regorger d'animaux. Voilà, en ce moment les abattoirs ils tournent à plein régime et c'est peut-être un bon moment en fait pour avoir des réflexions sur d'où elle provient cette nourriture, d'où elle vient, d'où elle découle, c'est quoi la viande, quoi. C'est quoi. En l'occurrence, il y a beaucoup de campagnes là, qui vont avoir lieu contre le faux. Pour l'abolition là, des pratiques un peu moyenâgeuses, le foie gras par exemple. So before it was said that there are going to be radio emissions in the following weeks with interviews and talks about animal liberation and different questions. And also it was said that now that Christmas is coming, it's maybe the time to start thinking about where all the meat and all the nutrition that's on the table, on the Christmas table, comes from. On se retrouve tout à l'heure. C'est rendez-vous à la salle de Réu au Châtaigne. Oui. Et on se quitte avec, avant de se retrouver bien sûr, avec Protect the Innocent, pardon. Et le titre s'appelle With Animal Rights et les initiales c'est WAR. Wow.